Je t'ai déjà parlé de Bordeaux. Sur les quais, on aime appeler des jolies filles taillées comme des cannelés. J'ai vu l'étendue des vignobles à travers le hublot. Miroir, miroir d'eau, dis-moi qui est le plus beau. Je suis passé en Normandie, j'ai vu les villes et les plages. Pour pas te mentir, j'ai surtout vu des vaches. J'ai vu des lions et des lionnes au cœur rugissant. Un havre de paix quand je suis passé par Rouen. Un arrêt à Lille, c'est vrai que c'est pas la plus belle des villes. Mais sur la grande place, je me suis comme senti libre, senti petit, senti ch'ti dans le décor. Les gens étaient plus chaleureux que le temps dehors. Je suis passé par Lyon et j'ai pas compris tout de suite. Quand je disais bonjour, on me répondait si simple la suite. J'ai traîné place Bellecour avec tous mes zonards. On m'a dit qu'à Saint-Etienne, y'a que des connards. Faut que je te parle de Marseille, son port, ses ruelles un peu crades. Et j'ai même pris l'accent en chantant dans le stade. Au milieu de ses grandes gueules, moi j'en menais pas là. J'ai entendu des cigales, mais pas le bruit des calas. Je suis allé à Saint-Etienne prendre un peu l'air. On m'a forcé à enfiler un foutu maillot vert. J'ai traîné rue des Martyrs avec tous mes zonards. On m'a dit qu'à Lyon, y'a que des connards. Bienvenue chez moi. Que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village. Faut que tu vois ça, ah, ah. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages, ah, ah, ah. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. À Brest et Rennes, je me suis senti un peu con quand les gens m'ont dit qu'ils n'étaient pas français, mais bretons. Des marins au grand cœur, un petit peu trop ivres, navigant sur une mer de cire. Une journée à Paris, Notre-Dame a fait une scène. Elle m'a dit que j'étais trop lent et que nos petits accents la gênent. Elle est pressante et oppressante, elle est stressante et cruelle. Elle est blessante, elle est glaçante, mais putain, ce qu'elle est belle. Je suis allé sur une île de Rotterdam, vers ses bras. Et l'océan, moi, je suis sauté la rue. Y'a pas de religion, de couleur sur la photo. Une angle à je connais pas Montpellier. La plage est tout près d'ici, on passe toute l'après-midi, plage de la comédie. On prend le temps, mais viens pas croire qu'on est feignant. Des arènes de Nîmes jusqu'au palier de Perpignan. Je suis allé à Strasbourg, je suis revenu avec du googler sous le coude. C'est fou, j'ai encore dans la bouche le goût de la choucroute. Les charmes des limites de l'hexagone. Et j'écris cette phrase avec la plume d'une cigogne. Bienvenue chez moi. Que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village. Faut que tu vois ça, ah, ah. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages, ah, ah, ah. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Je suis allé en Belgique, logique, j'ai fait le plein de frites. J'ai cru voir de la bière sortir du mannequin 10. Y'a de la vie quand le carré s'anime. Je suis tellement allé, j'ai l'impression de voir de la famille. Bah oui. À Nantes, j'ai commencé un safari géant. J'ai croisé des canaris, volé autour d'un éléphant. J'ai vu des kickers, des slippers, des kiffers. Le seul endroit où j'ai croisé des dealers, des cibers. Je me suis posé en Suisse, calmement, près des signes, sur les rives. La Clément, j'ai coupé mon attel pour pas qu'on m'appelle là-bas. J'ai abusé sur les mentales et la montagne de chocolat. Première fois en Corse, le choc, la terre, la mer. Au début, j'ai eu du mal avec le caractère. Sur la terrasse, les blagues des vieux m'ont fait rire. Je voulais plus partir, plus remonter dans le ferry. Je suis né à Toulouse, forcément, je suis pas vraiment honnête. Elle a vu mes premiers pas et m'a porté chaque seconde. Et tu demanderas à tous ceux qui la connaissent, ils te diront que c'est la plus belle ville du monde. Bienvenue chez moi, que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village. Faut que tu vois ça, ah, ah. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages, ah, ah, ah. Viens faire un tour chez moi, viens faire un tour chez moi, viens faire un tour chez moi. Bienvenue chez moi, que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village. Faut que tu vois ça, ah, ah. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages, ah, ah, ah. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. C'est qu'à Nantes, il y a un éléphant, mais genre il est automatisé. Et il avance et tout, genre il bouge dans la ville. Qu'est-ce que tu dis, frère? Mais c'est sûr que c'est vrai. C'est un truc, c'est un éléphant, mais genre un robot éléphant. Ah ouais, putain, mais tu... C'est un éléphant, mais un robot.